L'homme inquiet de Henning Mankell. Traduction Anna Gibson. Adaptation Claire Leluerne. Deuxième épisode. J'avais 60 ans. J'étais commissaire, grand-père, et les choses avaient commencé à disparaître de ma vie. D'abord des souvenirs, puis mon arme oubliée dans un restaurant. Et maintenant le beau-père de Linda, ma fille. Hakan von Henke, 75 ans, officier de marine à la retraite, s'était volatilisé après sa fête d'anniversaire. Mon bureau avait ouvert une enquête interne me concernant. Un flic qui oublie son arme dans un lieu public, ça pose des problèmes. Et ça m'en posait. On m'avait gentiment demandé de rester chez moi en attendant les résultats de l'enquête. Ces vacances forcées me laissaient tout le temps de m'intéresser à la disparition de von Henke. Officieusement. Je décidai d'aller voir sur place et m'envolai pour Stockholm. Une horloge, un galet, un carnet de santé, un album, des photos. Et merde! Martinson? Commissaire Wallander, bonsoir. Commissaire Itterberg, police de Stockholm à l'appareil. Bonsoir. En charge de l'enquête sur la disparition de Hakan von Henke, je vous dérange? Non, allez-y. Louise von Henke m'a donné votre numéro, elle m'a dit que vous étiez passé jeter un œil à ses papiers. Oui, mais j'ai rien trouvé. Et de votre côté? Oh, on a seulement un témoin pas très fiable qui croit avoir vu notre bonhomme dans les bois. J'ai pris contact avec un vieil ami à lui. Sten Nordlander? Voilà. Il passe me chercher demain à mon hôtel, il m'emmène sur l'île de Ferme 2. Ça pourrait servir, non? Chaque jour qui passe nous éloigne de Hakan, alors tous ceux qui l'ont côtoyé peuvent nous être utiles. Il ne nous a rien dit qui ait fait tilt, mais avec vous, ce sera peut-être différent. Et je peux vous demander quelle est votre hypothèse? Entre nous, hein? Ça me paraît sérieux. Il a pu être agressé et enlevé, c'est ce que je crois pour l'instant. Vous avez mon numéro maintenant, n'hésitez pas à me contacter, hein. Merci pour votre franchise. Bonne soirée, commissaire. Bonne soirée à vous. Et couvrez-vous, il fait une humidité de chien sur ces îles. Kurt Wallander? Oui. Je suis Sten Nordlander. Montez. Bon. Ah, ne cherchez pas la ceinture, c'était une antiquité. Dodge des années 50. J'ai une dispense. Itterberg avait raison. L'archipel était gris, humide et battu par les vents. Les plages de galets formaient des bandes mouvantes le long de la route autour de nous. Et voilà. C'est le café de Mathilda, la veuve d'un de nos amis, à Hakan et moi. Son mari était second sur un sous-marin où nous servions tous les trois. Nous essayons autant que possible d'aller chez elle. Elle a besoin d'argent et fait un bon café. Salut, Sten. Mathilda, ma douce. Bonjour, monsieur. Bonjour. Des brioches et du café? Et un millefeuille. On va s'installer derrière, au calme. Ah, c'était une habitude dans le temps. Tous ceux qui avaient travaillé à bord d'un sous-marin venaient en pèlerinage chez Mathilda. Vous entendez ça? C'est Hakan et moi qui avons récupéré ce sonar sur un serpent de mer qui partait à la casse. Tenez, regardez cette photo. Le deuxième de la rangée, c'est moi. Le quatrième, c'est Hakan. C'était pas franchement un voyage de rêve. parti de Karlskrona jusqu'au détroit de Kvarken, puis Calix et retour. C'était en novembre, un froid de chien. Et ça tanguait où qu'on se trouve. On ne pouvait jamais descendre. La Baltique est une vraie flaque. Que s'est-il passé? J'en sais pas plus que vous. Et je voulais vous faire écouter quelque chose. Ma fille a enregistré ça pendant la soirée d'anniversaire de Hakan. Vous y étiez? Ah non, je fuis les soirées. Hakan et moi, on s'était fait notre petite fête à notre façon une semaine avant. Ici même, avec un café et un gâteau. Quand on le retrouvera, on montrera un club. J'aimerais que vous écoutiez ça très attentivement. Louise m'a dit que vous étiez très proche, votre opinion est plus importante que celle de n'importe qui. J'ai l'impression d'entendre le flic qui m'a interrogé. Je suis policier, moi aussi. Hein? Je suis aussi vieux et con et en passe de me faire virer. Un club de plus à monter. Allez, envoyez la bande. Vous fumez, Linda? Je ne savais pas. D'habitude, je suis toujours tout seul dans la véranda. Oh, vous savez, c'est seulement quand je suis loin de ma fille. Faut rien dire à Hans. Merci. Le printemps approche. La météo annonce de grosses pluies pour la semaine. Quand on est au bord d'un sous-marin en plongée, toute notion de météo disparaît. C'est le grand calme, la mer d'huile des profondeurs. Vous étiez née à l'automne 80? Ah oui, j'étais petite. Mon père s'était déjà fait muter à Istad pour se rapprocher de son père. Bon, ce que ça a donné ensuite, c'est une autre histoire. Moi, j'étais en poste à la base de Mouskeux. Je venais de quitter un de nos meilleurs sous-marins. Le Serpent, on l'appelait. Je voulais retourner en mer. Certainement pas rester à la base navale. Mais leur idée était de me faire entrer dans le commandement de toute la défense maritime suédoise. Eh ben, dis donc. En septembre 80, les États du pacte de Varsovie ont lancé de grandes manœuvres au large des côtes est-allemandes. Ça n'avait rien de surprenant. Ils avaient l'habitude de démarrer leurs exercices d'automne en même temps que nous. Il y avait eux, l'OTAN et notre neutralité au milieu de tout ça. Chacun s'observait d'un côté du rideau de fer, gardait un œil sur l'autre, et on en restait là. Mais cette année-là, il s'est passé quelque chose. Le jeudi 18 septembre 1980. Une date que je n'oublierai jamais. C'est incroyable. C'est exactement de ça dont nous avons parlé la dernière fois qu'on s'est vus. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jeudi 18 septembre 1980? Nous étions tous les deux à la base de Mouskeux, au centre de commandement, lorsque nous avons reçu l'appel paniqué de l'officier de quart d'un remorqueur des surveillances côtières. Commandant Van Henke, nous venons de détecter la présence d'un sous-marin étranger dans nos eaux. Vous pouvez répéter? À 300 mètres. Dans mes jumelles, j'ai vu les antennes d'un sous-marin. J'en suis sûr. Il a plongé, il naviguait dans nos eaux territoriales. Je suis formel. Sten, est-ce que nous avons des sous-marins dans les parages? Non, commandant. Nous de Dieu. Lieutenant! Vous pouvez me décrire le mât ou le périscope que vous avez vu? Oui, mon commandant. C'est un sous-marin de classe Whiskey, utilisé seulement par les Russes. Et les Polonais. Fallait prendre une décision. La sécurité nationale pouvait être menacée. Hakan a appelé le chef d'état-major. Ils ont immédiatement fait intervenir un hélicoptère équipé pour la lutte anti-sous-marine. Le sonar de l'hélico a détecté le sous-marin et a largué une charge d'avertissement. C'était la première fois de notre carrière que nous assistions à un tir ailleurs que dans le cadre d'un exercice. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le sous-marin a disparu. Comment ça a disparu? Un sous-marin peut pas disparaître. Détrompez-vous. Sous la mer, il y a bien des façons de se rendre invisible. se coucher dans des failles en eau profonde ou à ras des parois rocheuses, dresser un mur sonore pour brouiller les sonars. D'autres hélicoptères sont venus, mais on ne l'a jamais retrouvé. Et vous étiez certain que ça ne pouvait pas être une erreur? J'aimerais tellement que Hakan puisse vous l'expliquer lui-même. Aucun navire de guerre n'est aussi précis dans sa navigation que l'est un sous-marin. Il était là de façon intentionnelle, ça ne fait aucun doute. Quelle était cette intention? Voilà la question. Tester nos défenses, nos moyens de détection, ou alors... Vous croyez qu'il voulait qu'on le repère? C'est une éventualité. Encore un millefeuille, Stan? Merci, Mathilda. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il y a eu une enquête, on a estimé que Hakan avait bien agi. Le plus important était sans doute la confirmation que les Russes portaient un grand intérêt à nos eaux territoriales. Et tout ça se passait à une époque où personne ne croyait que le mur de Berlin tomberait un jour. Encore moins que l'Union soviétique puisse s'écrouler. On a tendance à l'oublier. La guerre froide n'était pas finie. On a appelé ça l'incident de Uto. Et la marine a vu son budget augmenter. Mais c'est pas fini. Comment ça? 2 ans plus tard, presque jour pour jour, l'inimaginable s'est produit. Hakan était monté en grade jusqu'à faire partie du haut commandement de la marine. Le 1er octobre 1982, on a formellement détecté plusieurs sous-marins à proximité immédiate de notre base de Moussk. Enfin, c'était l'alerte générale, le branle-bas de combat. Vous devez vous en souvenir, ça n'a pas pu vous échapper. Oui, je m'en rappelle. Les journaux ne parlaient que de ça. L'archipel grouillait de journalistes. Mais imaginez, là, ce n'était plus une atteinte à l'intégrité du territoire. Les bâtiments étrangers avaient réussi à entrer au cœur de la zone interdite. Je ne sais pas, c'est comme si des hélicoptères ennemis atterrissaient sur la pelouse du Palais Royal. Remettez la bande, je vous parie toute ma retraite que Hakan en parle. Cette histoire, mon ami, elle va par deux. On est donc en octobre 82. Je travaille à Berga, un état-major opérationnel 24 heures sur 24. Et on aurait cru que toute la côte sud-ouest était attaquée. Il y avait des journalistes partout. L'histoire était devenue éminemment politique. Moi, je n'avais qu'un seul objectif. Capturer un de ces maudits sous-marins. Il fallait absolument contraindre au moins l'une de ces saletés à faire surface, sinon nous allions perdre toute crédibilité. Et un soir, enfin, nous avons réussi à en encercler un, dans un détroit, tout près de Moussk. J'ai parlé au chef de l'état-major, au ministre de la Défense. Tous étaient d'accord pour faire feu et l'obliger à remonter. Nous allions enfin montrer au monde quel était ce sous-marin étranger qui opérait en eau suédoise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le téléphone qui nous reliait au commandement en chef a sonné. Nous avons reçu l'ordre de tout arrêter. Quoi? Mais c'est pas possible! Je n'en croyais pas mes oreilles. C'est l'un des rares téléphones dont on est sûr qu'il n'est pas sur écoute et qui inclut un déformateur de voix automatique. Je ne pouvais donc pas savoir à qui je parlais. J'ai exigé des explications, mais je n'ai rien obtenu. Seulement cet ordre de ne lancer aucune charge et de nous replier. Je ne pouvais rien faire d'autre que d'obéir. Nous l'avons laissé filer. Pardon, excusez-moi, j'ai cherché les toilettes, mais ça n'a pas l'air d'être là, hein. Ça va? Vous allez bien? Oui. Je crois que nous ferions mieux de retourner à la fête. Quel dommage que votre père n'ait pas pu le dire. C'est à ce moment-là que ma fille l'a vu porter la main à sa veste, comme s'il était armé. Et juste avant, elle est sûre d'avoir aperçu quelqu'un dans une voiture de l'autre côté de la rue, qui les observait. Vous croyez que Hakan se sentait menacé? Après cet épisode-là, Hakan n'a plus jamais été le même. Il a commencé à poser des questions, même en haut lieu. De nombreuses personnes n'ont pas du tout apprécié. D'autres gens que lui se sont interrogés, mais petit à petit, ça s'est calmé. L'histoire a été carrément enterrée, même pour lui. Enfin, c'est ce que je pensais avant la semaine dernière quand on s'est retrouvés ici. Il m'a dit comme ça, « Je crois que je commence enfin à comprendre. Je crois que je suis arrivé à une conclusion. » Ouais, on dirait qu'il avait décidé de monter un club d'enquête sans nous. Sten m'avait déposé dans le centre, mais j'avais été incapable de rentrer à l'hôtel. Il fallait que je marche, que je comprenne comment tout ça pouvait revenir à la surface 30 ans après, comme un sous-marin. Sten m'avait fait comprendre que disparaître et se rendre invisible étaient deux choses bien différentes. Est-ce que Hakan était allé trop loin dans ses conclusions et qu'on avait voulu le faire taire? Est-ce qu'il avait reconnu le type de la voiture pendant la soirée et qu'il s'était planqué dans une faille sombre au fond des mers? Sten m'avait parlé de Stephen Atkins, un autre militaire avec qui Hakan s'était lié d'amitié, un Américain rencontré à Berlin en pleine guerre froide. J'avais essayé de le joindre, mais sans succès. Je ne savais même pas quelle heure il pouvait être aux États-Unis. Hé, hey, vas-y, donne ton portefeuille. Les gars, inutile de... Ton téléphone et ton portefeuille, putain. Non. Attends-tu. Chope ton téléphone. Attends, attends. C'est bon, vas-y, je l'ai. Go, go, go, go, go. Il y a un temps pour vivre. T'es grincheux comme ton père. Loin au nord. Voir où la neige. Voir sans voir. Ils doivent rester cachés. Et disparaître. Allô? Monsieur Wallander? Oui. Un appel pour vous d'Istad. Magnus Martinsson. Je vous le transfère. Allô? Martinsson, oui. J'ai essayé de te joindre toute la journée, bon sang. Mon portable ne répond pas. Je suis passé chez toi. Linda m'a dit que t'étais là. Qu'est-ce que tu fous à Stockholm? Kurt, ça va? Oui. Tu te réveilles? Non, il m'est arrivé un... Attends, attends. D'abord, il faut que je te dise. L'inspecteur de Malmö est reparti. Il nous a tous interrogés. Tu vas bientôt être fixé sur ton sort. Lennart ne digère pas que tu sois parti en vacances. Il voudrait que tu picoles et que tu erres dans les rues pour lui donner une raison de te foutre dehors. Mais c'est peut-être ce qu'il va faire, alors me virer. Mais arrête. Tout le monde te soutient ici. Foutaise. Toi, oui, mais la fuite dans le journal vient bien du commissariat. Ah ben, c'est comme ça. On n'y peut rien. Tu crois qu'il y en a beaucoup qui m'aiment, moi? Quand je reviendrai, je te paierai un déca à la machine. Et tu me feras la liste de tous ceux qui t'ennuient. Je suis très liste en ce moment. Ben justement, je voulais te parler. Et c'est vraiment con que tu sois là-bas. J'aurais bien voulu boire ton jus de chaussette et te dire ça en face. Quoi? Toi aussi, t'as oublié ton arme quelque part? Non, Kurt. Mais j'ai pas la force de continuer. Je supporte plus ce qui se passe. Je supporte pas ce que le monde devient. Je dors plus. J'attends que les jours... Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Ah, excuse-moi, je croyais qu'il y avait quelqu'un sur la ligne. Bon, j'attends que les jours passent, je te disais... Et puis il y a tout ça, quoi. Et toi, maintenant? Mais... Bah, tu comprends, j'y crois plus, quoi. Je suis en pourparler avec une boîte de Malmö qui s'occupe de conseils en sécurité pour des petites entreprises et des privés. Ils me proposent un emploi, mais un salaire bien supérieur à ce que je gagne aujourd'hui. Je démissionne cet été. Tu as raison. Tu le penses? Ouais, tu as raison. Il faut changer de boulot tant qu'on est assez jeune pour le faire. Ouais, et tu pourrais, toi aussi. Après tout ce que tu as fait pour eux, regarde comment ils te traitent. Je peux leur parler de toi, la boîte? Non, moi j'ai déjà franchi le sas. Quel sas? Le sas qui ne laisse passer que ceux qui sont destinés à vieillir. Finalement, c'est une bonne raison pour pas m'en faire, non? Il n'y a plus rien d'autre qui m'attend. Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. Je venais justement de penser à toi. Il y a 15 ans, je t'avais empêché de démissionner, tu te rappelles? Les choses changent, c'est comme ça. On peut le comprendre ou se contenter de l'observer. Je suis désolé, mais il va falloir que j'y aille. Eh bien sûr, oui. Excuse. Je t'apporterai du café pendant que tu surveilleras le palais royal. Allez, rentre vite faire chier, Lennart. Et fais gaffe à toi. Stockholm, c'est pas Istad. Ouais, j'ai vu, oui. Martinson était le premier mec que j'avais rencontré quand j'étais arrivé à la brigade. Et maintenant, c'était le premier à s'en aller. Il faudrait que je fasse un beau discours, mais ce n'était pas mon fort. Mon discours, c'était de rien dire. Mon courage, c'était d'avancer. Dans cette ruelle, j'avais vu le couteau avant toute chose. J'avais vu Linda, Clara, la crête des vagues autour des ferries, et le visage de mon ex-femme, Mona, et son chandail jaune. J'avais vu la stupide toile de mon père, la même stupide toile qu'il avait peinte toute sa vie. La liste était courte et efficace. Le docteur aurait été content. Si ces deux gamins avaient osé se servir de leur couteau, il n'y aurait plus jamais eu de liste. Est-ce que c'était ça, devenir vieux? Arriver au bout de la liste de toutes les choses plus ou moins bien qu'on a faites dans sa vie? Il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir. Allô? Monsieur Wallander, je vous passe un correspondant. Martinson? Non, c'est encore le commissaire Itterberg. Je ne vous dérange pas? Du tout. Vous avez du nouveau? On a un corps, carbonisé. On l'a trouvé dans une cabane de chantier, pas très loin des bois. L'âge colle. J'arrive tout de suite. C'était L'homme inquiet de Henning Mankell. Traduction, Anna Gibson. Adaptation, Claire Luluerne. Deuxième épisode. Avec Vincent Schmitt, Kurt Wallander. Fanny Touron, Linda Wallander. Philippe Lodenbach, Hakan von Enke. Michel Simonet, Louise von Enke. Jean-Gabriel Nordmann, le commissaire Itterberg. Jean-Pierre Calfon, Sten Nordlander. Marie-Bénédicte Roy, Mathilda. Joachim Salinger, l'officier de car. Henri Alexandre, Léo Reynaud, les jeunes agresseurs. Catherine Matisse, Mona Wallander. Donatien Guillot, le réceptionniste de l'hôtel. Hervé Furic, Magnus Martinson. Lisbeth Arasi-Mornay, la femme ivre. Et Richard Chevalier, Colette Marie, Valérie Vinci, Loïc Urcastagnou, Hugues Massigna, Charlotte Dessert, Lucas Enaf, Françoise Cousin, Louis-Marie Audubert, Marina Moncade. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Bernard Laniel, Manon Houssin, Yaël Mandelbaum, Jean-Mathieu Zand. L'homme inquiet de Henning Mankell est publié aux éditions du Seuil. À demain! Thank you.